Fréquence Vie, édition spéciale. Fréquence Vie, édition spéciale. Si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui vit. C'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Il m'a changé. Alors bonjour monsieur, bonjour, soyez les bienvenus à l'écoute de ce programme spécial qui démarre sur les carillons de la fréquence 91.10 FM. Nous émettons depuis le quartier Tinga ici à Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. C'est un programme, je le disais, spécial à la faveur également d'un dimanche tout à fait aussi particulier au Temple des Nations du ministère Vaïra-Compte International où un important séminaire sur les mémoires cellulaires familiales est déclenché depuis déjà plus de 2 semaines, on va être plus précis, 3 semaines d'ailleurs. Nous sommes entrés dans une phase spéciale, celle liée à la déprogrammation des mémoires familiales de sorcellerie qui malheureusement ténaille la vie de plusieurs personnes, même des enfants de Dieu. Il faut donc aller les déprogrammer, ces mémoires cellulaires de sorcellerie. Mais avant de déprogrammer, il faut les identifier. Cette prescription et inscription de l'homme de Dieu à valeur également, même au sujet de cette thématique. Et dans le cadre de ce programme, nous voulons nous interroger particulièrement, et selon l'annonce de l'homme de Dieu sur sa page Facebook, sur les mémoires de sorcellerie du côté des Béti. Mais je pense que cela touchera également d'autres aspects ou bien d'autres culture ou du moins d'autres ethnies au Cameroun, car il n'y a pas d'ethnie sans sorcellerie, il n'y a pas de famille sans sorcellerie, il n'y a pas de sorcellerie également sans famille. Alors, pour comprendre comment est-ce que tout cela fonctionne sous la base de la parole de Dieu et des révélations, l'homme de Dieu Dr Tchalaï Soumba, visionnaire du ministère Vaïra-Compte International, nous accompagne dans le cadre de ce programme. Je crois que cette émission également est à suivre à partir de sa page Facebook éponyme. Ne manquez pas de partager et également avec vos amis et connaissances. Pour donc permettre la bonne qualité de cette émission, je suis entouré dans le cadre de cette émission du côté de la baie vitrée et de la mise en onde de la réalisation par monsieur Zéphirin Bonnier. Tout de suite, nous entrons en connexion avec l'homme de Dieu Dr Tchalaï Soumba. Docteur, bienvenue à ce programme spécial qui est un programme en droite ligne avec la thématique, elle aussi particulière, qui est abordée au Temple des Nations du ministère Vaïra-Compte International. Mais là, c'est dans l'ordre général, lorsqu'on parle de mémoire cellulaire familiale, mais avec une spécificité où on parle de déprogrammer les mémoires cellulaires de sorcellerie. Et dans l'annonce que vous avez faite sur votre page Facebook, un accent a été mis dans le cadre de ce programme sur la sorcellerie chez les Béti, mais je pense qu'on parlera également de cette même sorcellerie dans tous les différents ethnies du Cameroun, parce qu'il n'y a pas finalement d'ethnie sans sorcellerie, et comme il n'y a pas de sorcellerie également sans ethnie. Mais docteur, pour permettre à tout le monde de bien nous suivre et pour bien poser les pieds dans les plats, je vais commencer, si vous permettez, par cette première question. Docteur, lorsqu'on parle de la sorcellerie, c'est quoi la sorcellerie? Elle vient d'où, docteur? Et est-ce qu'elle est seulement la spécificité des Béti ou bien elle concerne l'humanité? Ok, merci. Ok, c'est déjà bon. Vous voyez, le problème des cellules, comme cela a été analysé tout ce temps-ci, chaque ethnie au Cameroun, chaque personne appartient concrètement à une ethnie, que ce soit les Béti, que ce soit les Bamileke, que ce soit les Bassa, que ce soit les Douala, que ce soit les jusqu'à je ne sais pas combien elles sont ces ethnies aujourd'hui sur notre territoire, le territoire camerounais. Alors, ce sont des familles. C'est des familles qui ont existé depuis des siècles et qui finalement ont commencé à grandir comme la famille terrestre, toute l'humanité a commencé dans une cellule familiale, comme on le dit, cellule familiale, le mot est bien utilisé. Effectivement, chaque cellule, chaque homme appartient à une famille et chacun a des cellules dans ses cellules. Il y a des cellules de son père, il y a des cellules de sa mère, il y a des cellules jusqu'à plusieurs générations, jusqu'à toucher Adam, comme la parole de Dieu le dit déjà. Vous voyez, quand nous parlons des cellules, il faudrait que les gens comprennent un peu, parce que l'évangile, lorsque Dieu tuait, par exemple, les Hébreux, comme le dit le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, si je ne me trompe pas, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. » Donc, vous voyez, quand il dit « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez », ça prépare déjà, par exemple, les lecteurs, et ça doit préparer aussi les auditeurs qui m'écoutent, et surtout cette annonce qui a été faite par moi-même concernant notre famille Betty. Ils doivent se préparer à une nouvelle compréhension d'histoire vieille et familière. Cette histoire qui touche les Juifs, c'est une famille qui a commencé par Abraham. Et notre famille Betty, je n'ai pas encore étudié qui était Betty, si c'était une femme, si c'était un homme, et comment cette famille a progressé. Tout ce que je sais est que dans chaque famille, il y a un homme et une femme qui procréent et qui deviennent des parents, mais leurs enfants ont dans leurs cellules la présence des chromosomes, la présence des gènes qui transmettent l'identité des parents aux enfants. C'est en principe ce qu'on m'a enseigné à l'école. Et comme beaucoup de Betty à qui je m'adresse aujourd'hui sont des intellectuels, ils comprennent parfaitement ce que je dis. Et toutes les ethnies du Cameroun sont également parmi ces ethnies, on trouve beaucoup d'intellectuels. Et ces intellectuels comprennent parfaitement ce que j'ai envie d'analyser. Ce que je viens de dire est une affirmation très sérieuse de la situation par laquelle, que ce soit Paul qui s'adresse à ses frères, parce qu'il les appelle frères, que ce soit moi qui s'adresse aujourd'hui à mes frères, qui sont les Betty, en général, au vu de ce qui se passe dans cette ethnie depuis longtemps, je sais que ça vient de loin, ça vient de nos ancêtres, la trahison, l'égoïsme, la sorcellerie, tout ça, c'est la sorcellerie. Vous voyez, tous les Hébreux étaient par la chair les descendants d'Abraham. Ok. Donc, vous voyez, comme je le dis, tous les Hébreux étaient par la chair. La chair, c'est quoi? C'est les cellules. Donc, la cellule qui est partie d'Abraham, qui a été déposée dans l'utérus de la femme d'Abraham, il y a eu fusion, et tous les Hébreux portaient les gènes d'Abraham dans leurs cellules. Ça a été transmis par l'ADN. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui provient effectivement de l'ancêtre des Betty, que particulièrement, moi, je ne connais pas du tout. Je n'ai pas fait les recherches par rapport à ça. Je le ferai. C'est pourquoi je fais appel à tous les maîtrisards de ceux qui maîtrisent la fondation de cette famille pour mieux comprendre. Parce qu'il faudrait que nous puissions comprendre ce qui se passe afin de trouver des solutions. Et Dieu m'a révélé beaucoup de choses touchant vraiment la cellule. Tout n'est pas que démon. On a l'habitude de dire démon, oui. Le démon s'est saisi de ce qui est dans la cellule pour appliquer ça au récipiendaire. Donc, s'il y a autant de destruction aujourd'hui, si Satan parvient à détruire cette ethnie, c'est parce que le démon voit ce qui est dans la cellule. Si le démon ne voyait pas ce qui est dans la cellule, il n'allait pas. Ce qui se passe autour des bêtises aujourd'hui n'allait pas effectivement se dérouler comme ça. Vous voyez. Donc, tous les Hébreux étaient, par la chair, portaient les cellules d'Abraham. Ils sont jusqu'à présent les descendants d'Abraham. Et nous devenons les descendants d'Abraham par rapport au sang de Christ que nous buvons tous les jours. Je ne sais pas si ces pasteurs comprennent ce que je veux dire. Nous buvons le sang de Jésus et nous entrons par le sang de Jésus dans cette famille que le sang de Jésus que nous buvons, c'est un mystère. Je ne reviens pas là-dessus, mais je le ferai à la fin de mon exposé. Bien. Et écoute, mais pour être enfant de Dieu, il fallait qu'il soit aussi ses descendants. C'est pourquoi ses descendants spirituels. C'est pourquoi chez nous, on parlait de la nouvelle naissance. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans la Bible. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Tous ceux qui descendent de Béthi ne sont pas les Béthi. Je ne sais pas comment cela s'est produit, si ça se passe comme ça chez les bétis, comme ça se passe aussi chez les... Pour devenir bétis, qu'est-ce qu'il faut? Je voudrais que le... Parce que depuis un certain temps, il y a des choses néfastes qui se passent entre les bétis dans la ville de Yaoundé. Ça fait honte, ça donne vraiment foi au dos, comme on le dit, par rapport à ce que j'entends sur les responsables politiques... avec l'homme d'affaires Amougou Belinga et les responsables politiques entre eux. Avant cela, j'avais déjà animé des émissions sur le fonctionnement des Béti, comment ils fonctionnent, comment ils déçoivent, comment ils sont traîtres. Et j'avais même créé une association demandant à tous les Béti d'être un. Parce que si nous sommes un, on sera encore plus fort. Mais si nous sommes divisés, on ne peut rien faire. Et les autres vont toujours réussir à nous diviser. Parce qu'il y a un problème. Et j'ai finalement découvert que le problème, c'est dans les cellules. Le problème, c'est vraiment la racine, c'est dans les cellules. Qu'est-ce qu'il faut faire pour extirper ce problème dans les cellules? Je suis pas là pour critiquer qui que ce soit parmi les petits, parce que ce qui a attiré mon attention sur, parce que ça fait honte que les petits se battent sur les réseaux sociaux. D'autres viennent et disent oui, lui, il dit qu'il est homme là. L'autre dit non, ceci, ils sont divisés, que ce soit ceux qui sont dans la politique, que ce soit les hommes d'affaires. Les bêtis ont détruit tel homme d'affaires, Tebela, ils ont détruit leur propre frère. Voilà ce que j'ai lu sur le net, hein. je n'étais pas là-bas. Ils ont détruit tel frère, ils ont détruit tel frère quand il a commencé à monter, et c'est vrai. C'est vrai parce que il y a des indices. Quand tu commences à monter chez les bêtis, on te détruit. Que ce soit dans la vie professionnelle politique, tu es un homme politique, ou bien tu as été nommé dans un service d'État, tu as été nommé par le chef de l'État. Et parfois, ceux qui sont nommés parviennent à chercher à détruire le chef de l'État qui les nomme. Vous comprenez, vous voyez? Ils cherchent à détruire. Ils le font même, c'est parce que lui, il a le pouvoir de les jeter en prison, et il le fait. Beaucoup sont en prison aujourd'hui, les bêtis, à cause de ce que je suis en train de dire là. Et ce sont les bêtises qui sont à la base. Vous voyez, quand on parle, je viens de dire quelque chose qui est explicable par rapport à ce qu'on voit. Il y a eu un problème politique. Et puis, je lisais toujours, il y a cela 2 ou 3 ans, Béti Bamileke, Boulou Bamileke, c'est pour les Boulou et les autres là, ce sont toujours les Béti. Béti Bamileke, c'était une bagarre. Et ça a commencé depuis longtemps. Tous ceux qui sont bêtis et qui commencent à monter, les autres veulent les détruire par tous les moyens. Moi-même, j'ai été victime à plusieurs reprises ceux qui sont de l'autre côté, moi j'ai dans mon ministère beaucoup de Bamilékés qui sont bêtis, qui sont dans mon ministère, qui sont des enfants de Dieu, qui s'en fichent de tout ça, qui sont réellement des enfants de Dieu. Ils ne tiennent pas compte de leur base ethnique que je suis Bamiléké. Mais il y a ceux qui étaient, lorsque les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles ont eu lieu, et qu'il y a eu des problèmes entre l'opposant et l'actuel gouvernement qui est au pouvoir, l'actuel chef de l'État, tout ça. J'ai vu beaucoup de personnes qui étaient soi-disant chrétiens passer sur les réseaux sociaux. Ils commençaient à critiquer vraiment d'une manière, je peux dire, atroce. Chrétien, né de nouveau, hein. Atroce, le chef de l'État parce qu'il n'est pas Bamiléké. Vous voyez. Vous voyez, chez les Bamilékés, lorsqu'il y a un problème, même s'il y a des problèmes entre eux dans leur ethnie, lorsqu'il y a un problème qui touche une autre ethnie, ils se mettent d'abord ensemble. Ils se mettent d'abord ensemble pour combattre, pour prendre ce qui est de l'autre côté. Ils vont essayer de se battre pour, entre eux maintenant, si il faut d'abord prendre l'autre côté. Mais chez les bêtis, ça se trouve dans les gènes des bêtis, qu'il faut détruire ce qui t'appartient. Nous détruisons nos propres enfants, qui sont des ministres, qui sont des directeurs généraux, ou bien qui occupent des fonctions très élevées dans la société, dans la politique, dans les affaires. Nous les détruisons, nous les bêtis. Je dis en général, et aucun bêtis ne peut résister à la vague, parce que les autres se mettent ensemble. Tout le monde entier fonctionne comme ça. Voyons le bloc de l'Union européenne. L'Union européenne a été formée pourquoi? C'est pour contrecarrer ce qui se passe au niveau des États-Unis. Parce que si vous n'êtes pas nombreux et si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas résister. Les sociétés essaient de résister également. Air France qui va se rallier à KLM, une société, je ne sais plus si c'est suédoise, si c'est plus ou bien néerlandaise, c'est de suite. Donc, ils se mettent ensemble, les grandes sociétés se mettent ensemble pour former un bloc. Mais chez les petits, ils sont divisés. Et ça se trouve dans les cellules. Comment se fait-il que les petits se battent? Ils viennent de se battre sur les réseaux sociaux contre les Bamilékés. Je dis bien, et ça continue, c'est pas fini. Tant que Biya sera au pouvoir, ça sera toujours comme ça. C'est pas fini. Et maintenant, les gars, c'est-à-dire, j'ai eu la chair de poule quand j'ai vu ça. J'ai vraiment eu la chair de poule. Au lieu de former un bloc, je dis bien de former un bloc, en appelant les autres à l'unité. Vous ne pouvez pas appeler les autres à l'unité alors que vous vous êtes divisés. Par l'ADN, vous allez communiquer ces divisions. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a des gars bêtis qui sortent avec les filles bamilékées. Il y a les bamilékées qui sortent avec les filles bêtis, en général. Il y a une transmission d'informations par le canal des différents ADN qui existent dans nos chromosomes, qui existent dans nos cellules. Ça fait quoi? Ça fait que ce qui se trouve là-bas de l'autre côté, ça vient chez nous. Ce qui est chez nous, ça va chez eux. Et c'est pourquoi le Cameroun est divisé. Comprenez maintenant. Et ça commence aussi à entrer chez eux, par le canal toujours de l'ADN. L'ADN est le transmetteur des informations ethniques, des informations familiales touchant une famille. Donc, vous voyez, les neurones qui sont des cellules du cerveau ont déjà été fabriqués, créés à base de certaines informations venant depuis la naissance. Mais les neurones commencent à fonctionner selon les informations réellement qu'ils ont enregistrées depuis longtemps, depuis la base, depuis la naissance, depuis le ventre de la maman. Ils fonctionnent comme ça, c'est pourquoi nous fonctionnons de cette façon. Nous nous comportons de cette façon. Et le démon, lui, se saisit de ça, ce qui est dans les pensées et ce qui est lu dans nos cellules. Il se saisit de ça, il vous applique, c'est pas qu'il vous pousse. C'est ce qu'il amène dans vos pensées. Vous vous comportez de cette façon. Vous vous comportez donc. Je traite ce problème spirituellement et scientifiquement. Donc, parce que les deux marchent ensemble. La science, c'est ce qu'on voit. On fait des recherches, c'est ce qu'on voit. Également, au niveau de la spiritualité, c'est pas ce qu'on voit. Mais c'est ce qu'on entend qui vient de Dieu, ce qui est surnaturel. Et ce qui est surnaturel que le petit rejette, venant de Dieu, bien sûr. Alors, l'humanité a les mêmes cellules à ce sujet, spirituellement, toute l'humanité a les mêmes cellules. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul, j'ai commencé par ce verset, « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Quand on boit, ça va où ? Bon, ce n'est pas encore ça. Et je vous ai dit tout à l'heure que tous les Hébreux étaient par les cellules, parce que la Bible parle de la chair. Tous les Hébreux étaient par la chair, les descendants d'Abraham, donc les mêmes cellules. Et c'est pourquoi je reviens là-dessus. Je lance encore cet appel, les pasteurs Betty qui m'écoutent. Nous avons une radio. Ceux qui maîtrisent les origines des Betty, nous allons parler de ça pour pouvoir trouver la solution que nous allons proposer à tous les Betty pour que cette honte-là soit effacée dans leur cellule. Je dis bien dans leur cellule. Donc, ici, lorsque ces explications sont données, quand tu vois dans le comportement, comment un bêtis peut se réjouir du malheur qui frappe l'autre? Comment un bêtis peut passer le temps à accuser? À cause d'un poste politique, tu accuses ton frère parce que tu veux le détruire et prendre peut-être son poste. Pourquoi un bêtis peut se réjouir du malheur qui frappe son frère parce que son frère a commencé à monter? Au lieu de le soutenir, que s'il monte, il va monter avec nous. Je prends un exemple. J'ai un message pour toi. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont venus me dire que les autres qui ne sont pas bêtis, qui sont du côté des mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont eu? Il y a eu des réunions lorsque le ministère Varaconte a commencé à monter. Ils ont dit, plus de noms de Tchalissomba, on vous donne de l'argent. Parce qu'eux, ils pensent qu'un problème qui vient de Dieu, quand Dieu te donne l'onction, te donne la connaissance, c'est pas un problème d'argent. Que tu as beaucoup d'argent, on te donne de l'argent. Il faut que le nom de Tchalissomba soit effacé. Voilà les rapports qui viennent de part et d'autre. On te donne de l'argent, il faut que le nom de Tchalissomba soit effacé. Il faut qu'on ment sur lui, il faut qu'on détruise son ministère, il faut que toi tu montes. Ah, ça vient du côté des mêmes les cas. Et c'est pourquoi vous avez entendu mon nom par d'autres. Et les bêtises sont entrées, c'est-à-dire les bêtises, sans vérifier si c'est vrai ou faux. Les gars sont entrés en mentant. Un bêtis étonne qui dit, sa maison est ici au bas, à côté de mon village. Un bêtis Boulou qui dit, un bêtis Wondo qui dit, sa maison est à Bicoque. Est-ce que ma maison est à Bicoque? Jamais. Mais c'est un bêtis qui le dit, il ment ouvertement sa maison, il est à Bicoque. Quand il va chez lui, il passe devant, voici ce qu'il fait chez lui, voici ce qu'il fait. C'est-à-dire, ils vont mentir. Comme ils peuvent mentir sur Amogobolinga, comme ils peuvent mentir sur tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit ceux qui sont nommés, qui sont en poste. Vous voyez, dans la plupart des cas, la plupart des journaux dans la ville indexent les responsables qui sont nommés sur des choses qu'ils ont faites ou bien sur des choses qu'ils n'ont pas faites. On va commencer à mentir sur un responsable. On peut mentir sur un ministre, on peut mentir sur un délégué général, on peut mentir sur un directeur, un PDG, on peut mentir parce qu'il est bêti, il faut qu'il saute, il faut qu'il soit détruit. Et ses frères entrent là-dedans, sans toutefois même chercher à le soutenir même. S'il y a un problème, mon père avait l'habitude de dire, lorsque je grandissais, j'étais tellement collé à mon père, quand il causait avec ses frères, quand il y a un problème dans la famille, mon père disait, pour donner des conseils à ses frères, il y a un qui a posé un acte négatif contre l'autre. Après le jugement, on dit à l'autre, pardonne. Tu sais, ton frère est comme le sang. Quand tu te blesses, quand ta langue est blessée, tu saignes dans la bouche. Tu saignes. Mais il y a une partie de saignement que tu vas jeter, que tu vas cracher dans le sang. Et l'autre partie, dont on dit mekimoyem, quand ta langue est blessée, normalement tu dois saigner. Il y a une partie que tu vas cracher et l'autre que tu vas avaler. Ce sont des expressions, ce sont des, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, et il parvient à convaincre son frère de cette façon à pardonner. Il dit, tu dois avaler. Parce que ton frère aussi est dans ta cellule. Son ADN est dans ta cellule. Le mal que tu fais à ton frère là, va te revenir demain, d'une manière ou d'une autre. J'ai dit, ça ne peut pas finir comme ça. Si la Bible parle de on doit récolter ce qu'on a semé, mais dans la famille, dans l'ennemi, tout ce que tu peux poser, parce que son ADN est dans ton sang, est dans tes cellules. Toi aussi, ton ADN est dans tes cellules. Donc, tout ce que tu peux poser est un bêtis contre un bêtis. Tu vas récolter ça. Il ne s'agit pas, on ne te demande même pas. Tôt ou tard, tu vas récolter ça. Il faut que les bêtis le comprennent. C'est pourquoi le fait de récolter ça tout le temps, je dis bien, le fait de récolter ça tout le temps, regardez donc votre ennemi bêtis. Elle est où aujourd'hui? Ça fait 36, je ne sais plus le nombre d'années, 36 ans que les bêtises sont au pouvoir dans notre pays. Mais montrez-moi concrètement ce que les bêtises ont fait. Je dis, au niveau, entre eux, les bêtises même, leur village, leur ethnie, et même toute la ville de Yaoundé, montrez-moi les magasins qui appartiennent aux bêtises, là, dans la ville de Yaoundé. Même si tu as un magasin, tu ne verras pas un bêtis. Il va trouver que tu fais le con. Il va trouver que tu fais le femme là. Il va trouver que tu fais ceci. Il va trouver que tu fais cela. C'est pourquoi tu progresses. Il va mener une contre-campagne. Il va mener des campagnes. C'est-à-dire, il va dire aux gens, à ses frères, de ne pas venir. Moi, j'ai vécu ça dans mon village. J'achète le peuple. Je venais d'arriver au Cameroun. Je n'avais même pas de ministère au Cameroun. Même dans mon village, on ne me connaissait pas. On ne me connaissait pas, on ne savait pas où j'étais. Parce que j'avais disparu peut-être à l'âge de 18 ans, 19 ans, on ne sait plus. Alors, quand je reviens plusieurs dizaines d'années, plus de 10 ans plus tard, je suis déjà converti. Mon argent, c'est à l'étranger où j'allais prêcher. Mes affaires que je faisais avec des magasins bio partout. Tout ce que Dieu m'avait béni, j'ai acheté des voitures. Je rentre chez moi. Ils apprennent que tu allais sont bienvenus. Ça, c'est mon village. Ça, c'est ma famille. Et j'arrive, je commence à construire petite maison. Et puis, je commence à faire venir des voitures. Parce que je roulais avec ces véhicules à l'étranger. Et puis, je les fais venir au Cameroun. Dès que mes parents, mes oncles, mes tantes, des cousins autant vu. Moana Sohe. Donc, moi, j'étais condamné à ne rien avoir. Donc, quand tu commences à émerger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à poser des questions. Abimouan dit Moana Sohe. Beaucoup d'argent comme ça, ça sort d'où? Des voitures, ils construisent déjà. Ça sort d'où? Mais ça fait des dizaines, plus d'une dizaine d'années que tu as disparu. Si tu avais volé, tu serais en prison. Au lieu de se réjouir d'abord, j'ai acheté une Toyota double cabine qui faisait le peuple. C'est-à-dire, hey, j'achète ça pour donner à un cousin, écoute-moi bien, pour donner à un cousin du village. Et c'est lui qui m'avait encouragé. Il me dit, comme tu as un peu de moyens, moi je ne fais rien au village. Tu peux acheter. Il me dit, ça rapporte beaucoup d'argent, achète. J'ai acheté cette Toyota double cabine. Il a commencé à faire le PEP. Il quitte le village. Il transporte des gens avec les, comment on appelle ça, les régimes de plantain, le macabo, les produits vivriers. Mon oncle direct, que sa maison est collée à la maison du père de Gas, de mon décès, au village là. Il vivait encore, retraité. Il travaillait au ministère de l'Agriculture, retraité. Il est dans son, dans notre village. Quand il va à Yaoundé à la fin du mois pour aller toucher, pour aller faire ses courses, le gars ne monte, il a dit à tout le monde qu'il ne monte pas dans la voiture du con. Il sait que je fais le con. Comment j'ai fait pour acheter une voiture comme ça? Il dit, cette voiture va faire accident, ça va tuer les gens. Il a mené des campagnes et beaucoup l'ont suivi. Hein. Beaucoup de cousins l'ont suivi. Il a mené des campagnes disant aux gens de ne pas monter dans cette voiture. De ne pas monter. Il voulait quoi? Que l'argent que j'ai dépensé pour acheter la voiture, qu'effectivement, je perds tout. C'était ça l'objectif, dont la jalousie. Pourquoi moi? Pourquoi la maison de mon père? Et pourtant, ils sont... c'est la même famille, mais de pères différents. Mais comme ça ne vient pas de lui, de leur père, il faut détruire. Et nous avons ça dans les gènes. Nous avons ça et nos gènes transmettent cette information. Et l'enfant, le jour de la conception, ça transmet ces informations dans les cellules nouvellement créées sur l'enfant qui va naître. Et nous naissons avec ça. On grandit avec ça naturellement. Naturellement. Et puis on se comporte comme ça. Et on pense que c'est bien. Et c'est ça la sorcellerie. Donc, elle est vraiment dans le sang. Elle est dans les cellules. Elle est dans les cellules. Et cette voiture a roulé comme ça, elle n'a jamais fait accident un jour. Ça n'a jamais fait accident un jour. Jusqu'à ce que cette voiture, je l'avais récupérée. Pourquoi? Parce que je ne voyais pas un rond. J'ai récupéré la voiture, j'ai vendu la voiture. Parce que c'est moi, ça travaillait chaque jour, chaque jour, chaque jour. Mais je ne voyais pas un rond. Et quand moi, je reviens au Cameroun, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, c'est moi qui dois encore sortir de l'argent pour réparer les pannes qui étaient dessus. Mais le gars bouffait, ou il faisait quoi avec cet argent? J'avais un mauvais compte en disant, comme je ne suis pas au Cameroun, frère, va verser le peu que tu vas peu verser dans ce compte-là. Et c'est lui-même qui m'avait promis que ça sera 25 000 tous les jours, qu'il va produire avec la voiture. Mais je n'ai pas eu un rond dans ce compte. Tu peux imaginer? Voici comment les bêtises. Or, chez les Bamdéké, c'est tout à fait le contraire. Ils s'asseyent ensemble. S'il y a 10 enfants dans une région qui sont... On les envoie d'abord à l'école. Ils mettent à l'ENAM, ils mettent à l'EMIA dans toutes les grandes écoles. Ce n'est même pas son enfant. C'est l'enfant du village, de la même ethnie. Mais ils font, c'est pourquoi ils sont forts dans les tontines. Ils sont forts, quand nous, on les appelle des tontinards. Mais dans leur tontine-là, ils sont soudés. C'est pourquoi quand ils se lèvent pour vous combattre, ils sont forts. S'il n'y avait pas un problème d'État, par exemple, que le président qui est là, les autres veulent aussi manger, c'est pourquoi ils se joignent à lui. Mais si c'était seulement un simple problème, que ce n'était pas un problème, que réellement ces gens-là ont des intérêts, que tant que le présent vit, ils ont des intérêts, ils gagnent des marchés, ils gagnent, on leur donne beaucoup de choses, beaucoup d'avantages, mais tu ne verras personne venant de l'autre côté autour du chef de l'État actuel. Mais ses frères sont en train de le cribler. Ils sont dans tous les mauvais coups, frères bêtis. Et dès qu'on nomme un, ses frères deviennent ses ennemis dangereux. C'est dans la cellule, ses ennemis dangereux. Et c'est pourquoi nous devons fouiller ceux qui ont l'œil, ceux qui ont la connaissance sur ce que je suis en train d'expliquer. Problème de cellule, problème de ceci. Nous devons fouiller qui était Betty. Moi, je ne sais pas. S'il y a des hommes là à Yaoundé, ils savent. Je voudrais savoir qui était Betty, pourquoi les Betty sont comme ça. Toute la ville de Yaoundé, tout est vendu. Un bétis ne regarde pas l'avenir de son enfant. Tout est vendu. Là où nous sommes là, vous savez que le propriétaire, c'est un bétis. Il est allé vendre à qui? Aux autres. Il est allé pour vendre. Il sait que je suis là. Il est allé pour vendre aux autres. C'est-à-dire, tu veux faire du mal à ton frère. Tu ne veux pas que ton frère, c'est dans la cellule, hein? Tu ne veux pas que tes frères, même tes enfants, bénéficient de quoi que ce soit. C'est pourquoi ils sont capables de vendre tout le terrain. Ils sont capables de vendre les cimetières. Ils sont capables de vendre tout avant de mourir. Ils mangent. Parce que dans leur cellule, ils pensent que c'est ce qu'ils mangent qui est pour lui. C'est ce qu'ils disent parfois. C'est ce que je mange qui est pour moi. Je m'en fous de vous, les enfants. Je m'en fous de votre avenir, de l'avenir même du pays. Je m'en fous de ça, ce que je mange qui est pour moi. C'est dans les cellules des bétis. Or, le Bamileke pense plutôt à l'avenir de tout le monde, de l'ennemi. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et je me demande aujourd'hui, je pose la question aux bétis, si vous perdez ce pouvoir, rien n'est éternel. Savez-vous ce qui va vous arriver? Quelle souffrance, parce que Dieu vous a fait grâce. Si, je dis bien, quelle souffrance vous n'allez pas endurer? Vos enfants, peut-être vous ne serez plus là. Vos enfants, quand Paul s'adresse à ceux-ci, vous voyez comment les Hébreux sont partis en esclavage en Égypte pendant 430 ans. Quand Dieu parlait à Abraham, milliers d'années avant, ceux qui sont partis en esclavage en Égypte n'étaient pas encore nés. Il dit à Abraham, ton peuple sera ceci sur une terre étrangère, on l'opprimera. Abraham n'avait même pas encore un fils. Savez-vous ce que nous traversons aujourd'hui, nous les bétis? Ça vient de loin. Ça vient de loin. C'est pourquoi j'ai vraiment besoin de ceux qui connaissent les origines. Nous ne pouvons jamais trouver la solution comme ça. Et il y a une souffrance qui arrive, que vous ne voyez pas. Vous ne voyez que ce que vous faites là maintenant. Ce que vous pouvez manger, boire le whisky, boire la colle, coucher avec les femmes, faire ceci. C'est tout ce que vous faites. Se battre pour des miettes. Se détruire les uns contre les autres. Envoûter même les uns et les autres. Parce que un bétis est capable d'envoûter l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même acte. Ils ont les mêmes informations. Ils ont les mêmes gènes. Ils ont les mêmes chromosomes. Ils ont les mêmes cellules. Donc, il est capable de livrer son frère en relation. C'est comme ils sont en train de... Il faut voir comment ils se battent. Sur les réseaux sociaux, je regarde comme ça. Ils se critiquent sur les réseaux sociaux. Ils sont même contents d'entendre que le malheur vient de frapper tel, Ils sont contents. Ils se réjouissent. Comme ils le font avec le chef de l'État. Exactement. Ils sont là, ils convoitent, ils se battent pour le siège. Quelqu'un est encore vivant, vous vous battez pour le siège. Qui va s'asseoir dessus? Et toute la lutte d'influence que tu vois là, ça passe autour de ça. Ce qu'on appelle vraiment la sorcellerie. Ça passe autour de ça. Donc, dès que tu commences à émerger, il faut qu'on t'écrase. Nous sommes là depuis. Il faut qu'on t'écrase. Ah non! Un bétis, quand il est quelque part, il veut manger seul. Il ne veut voir personne. Il faut réduire les autres à la mendicité. C'est ça la sorcellerie. Nous avons ça dans les gènes. Nous avons ça dans les cellules. Aucune prière ne peut enlever ça parce que c'est dans les cellules. La prière ne peut rien enlever dans les cellules, sinon les prières allaient déjà enlever ce que les Hébreux avaient dans les cellules. Hein. Quel type de prière Moïse ne faisait pas? Que les David ne faisaient pas? Les psaumes que nous lisons là, c'est pour qui? Qui a écrit tout ça? Il n'y a aucune prière qui peut enlever ça dans les cellules. Ce que je suis en train de dire, Salomon, n'est pas seulement pour les bétis parce que on trouve ça chez les bétis, on trouve autre également pire chez les autres. Donc c'est pour toute l'humanité. Et c'est pourquoi ce que je dis doit concerner tout le monde doit examiner son ethnie. Son ethnie. Négativement, on se comporte comment dans notre ethnie? Moi, je m'adresse aux bétis parce que je suis bétis, donc je comprends, je prends les exemples sur moi-même. Je suis victime de leur comportement. Un bétis raconte quelque chose sur toi comme s'il te connaît réellement. Il raconte, il invente une chose. Il te donne l'assurance il te donne toute l'assurance que lui te connaît très bien et que tu as fait ça. Mais quand il se présente devant toi, il n'est plus capable d'ouvrir sa bouche. C'est comme ça le métier. Abraham fut le père des Hébreux, y compris aujourd'hui le père de tous les fidèles. Est-ce que vous pouvez lire ça dans le livre de Romains, chapitre 4, verset 11? Est-ce que tu peux lire ça dans ta Bible? Romains, chapitre 4 et le verset 11. Il est écrit, Romains, chapitre 4, verset 11. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice et qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Amen. Tant qu'il soit le père de tous les incirconcis, nous, tous les païens, afin qu'il soit. Galates l'explique également. Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre... Alors que... Oui. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Donc, nous pouvons devenir les autres ennemis peuvent passer par une alliance de sang pour devenir un. On ne parlera plus de Bamileke, on ne parlera plus de Béti, on ne parlera plus de Dewondo, on ne parlera, là je m'adresse au Béti, on ne parlera plus de Béti, on ne parlera plus de Boulou, des Ton, des Mangissa, d'Akonolenga, de ceci, les différentes tribus qu'il y a chez les Béti. On parlera des Béti, dès que tu apprends que c'est un Béti, tu sais déjà que ce sont mes cellules. C'est mon ADN. Je ne peux pas. Mon père avait l'habitude de dire que un frère ne traverse pas le sang de son frère. Que tu ne peux pas traverser le sang parce que c'est le sang de ton frère. Mais nous nageons même sur le sang de nos frères. Nous marchons, nous buvons même le sang de nos frères. Nous les bêtis aujourd'hui. Comment ça peut marcher? C'est une ethnie qui est appelée à s'éteindre, à disparaître. À disparaître. Parce que ceux qui sont là ont les mêmes cellules. Les patriarches ont les mêmes, ils font les mêmes choses. Les responsables politiques font les mêmes, pire encore. Les hommes d'affaires, pire encore. Pire. Ils sont orgueilleux, ils sont hautains, ils sont ceci. Quand il a des gens, il voit tout le monde comme caca. Il ne baillit plus, il ne respecte plus personne. Il parle aux gens arrogamment. Béti. C'est pourquoi, quel chef supérieur qui est respecté chez nous aujourd'hui? Va chez les Bamileke, on adore. Mais chez les Béti, on insulte. Va les petits gamins, les petites filles là-bas dans notre village. On insulte le chef. On insulte le chef. Un chef traditionnel est insulté, n'est pas respecté chez nous, comme chez les Bamileke. Non. Mais des gens comme ça sont appelés à disparaître. Puisqu'il est dit même dans la parole de Dieu, enfin obéissez à vos parents. Un chef, il est même dit de prier pour les autorités. Ces gens-là sont des autorités. Que ce soit le père d'une famille, le chef traditionnel, le chef de groupement, le chef ceci, il n'y a pas de chef supérieur chez nous. C'est la politique qui maintient les histoires de chefferie encore chez eux. Mais il faut voir également, quand ils commencent à lutter pour avoir la chefferie, dans une famille, il faut entendre ce qui s'est dit. Il faut entendre ce qui s'est dit dans une famille, quand ils commencent à lutter pour les histoires de chefferie. Il faut entendre ce qui s'est dit, la bagarre. Les insultes. C'est une ethnie qui est appelée à disparaître au Cameroun. Vous ne pouvez pas résister. Vous allez résister comment? Il y a une pression sociale. Les autres veulent prendre le pouvoir ou bien l'autorité que Dieu a donné à Paul Biya. C'est parce que cet homme-là a pris cette place vraiment sans tâche. S'il y avait des tâches dans sa vie et sa façon de se conduire, s'il y avait des tâches, que par exemple, c'est par un coup d'État qu'il a pris le pouvoir, il ne serait plus là depuis longtemps. Je vous le dis, et je le dis tout le temps, il ne serait plus là depuis longtemps. On l'aurait déjà évincé depuis, et renversé ses propres frères. C'est pourquoi tous les programmes qu'il peut faire ne marchent pas. Tous les programmes qu'il pouvait faire contre Alessandre, ça ne pouvait pas marcher, parce que ce n'est pas un bêtis, ce n'est pas mon père qui... Lui, il était catholique. Il m'a baptisé étant bébé, première communion, tout ça. Je découvre la vérité étant déjà un homme. La vérité biblique qu'il faut naître de nouveau. Et justement, cette vérité biblique est importante pour moi. Moi, je sais que là où il est, il n'est pas au ciel, mon père. Pas du tout, on ne va pas au ciel parce qu'on appartient à une religion, parce qu'on a posé des rites. C'est pratiquement impossible. Et tous ces bêtises vont dans des églises s'asseoir. Je suis catholique, je suis protestant, je suis EPC, je suis adventiste. Mais va voir ce qu'il fait à ses frères. Entends ce qu'il dit, ce qui sort de sa bouche. Des sorciers qui se cachent dans des églises. Ils vivent, ils respirent mensonge. Ils mangent mensonge. Ils respirent haine. Ils mangent la haine. Ils respirent ce qu'on appelle le ressentiment. Ils respirent ce qu'on appelle la méchanceté. Tout ça, c'est dans les gènes, dans les cellules. La méchanceté, l'orgueil. Pourquoi ils aiment dire qui était Zane Chalistomba, Zane Tel, Zane... Donc, ça veut dire que même si tu le dépasses, il va toujours dire Zane Kala. C'est-à-dire, c'est la convoi, il convoite ta place. C'est-à-dire, c'est la méchanceté. C'est-à-dire, il veut te détruire. C'est-à-dire, il est haineux, il est jaloux. Qui est-il? Qui est-il? Lui-là, c'est qui? Il vaut quoi? Voilà le langage bêtis. Chez les autres, tu n'entendras pas ça chez les bandits. Jamais. Et vous voulez lutter? Mais là, ils sont en train de se moquer de vous quand ils voient tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit entre Amugubilinga et son directeur de la télévision, entre les employés qui sont également les bêtises, ou bien entre Amugubilinga et d'autres personnes, ou bien d'autres personnes qui sont au gouvernement avec, entre eux, ils se battent entre eux pour occuper la place du président. Parce que on sait que ce poste sera vacant selon eux, sous peu de temps. Mais il faut quand même que moi je me positionne en écrasant les autres, en détruisant les autres. Vous pensez que ça va marcher? Est-ce que lui, il a fait ça? Est-ce que Paul Biya a fait ça? Pas du tout. Il a fait ça pour prendre la place qu'il a aujourd'hui. Vous ne voyez pas que c'est l'intégrité, c'est la loyauté qui paye. C'est la fidélité qui paye. Personne ne s'attendait que Ayidjo allait démissionner. Il n'était pas encore vieux. Donc il n'y avait pas de lutte d'influence autour d'Ayidjo. Il n'y avait pas de bagarre autour d'Ayidjo, comme ce que les bêtises sont en train d'organiser aujourd'hui. Il faut arrêter ça. C'est pourquoi cet ennemi-là est appelé à disparaître si on ne fait rien. Et Dieu en a vraiment marre. Ce qui va vous arriver, vos enfants, petits-enfants, de génération en génération, vous serez tellement humiliés que vous n'allez pas comprendre. Parce que Dieu a laissé tout le temps. Dieu a béni cet ennemi. Mais il faut voir. Quand Dieu vous donne le pouvoir, vous voulez quoi? Mais où sont les signes qui accompagnent ceux qui ont reçu la bénédiction de Dieu? C'est ça la bénédiction. Hein? Lorsque le prophète prophétise sur Saül, il dit tout ce qu'il y a de meilleur en Israël. L'histoire, c'est pour toi et ta famille. Il dit tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, c'est pour toi et ta famille. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. C'est une prophétie. Mais il faut voir. Chez les bêtis, il y a quoi? Va dans les villages. La pauvreté, la misère. Les villages ont disparu. Il y a les bêtis qui sont au pouvoir. Le courant s'arrête à son niveau, dans sa maison. Il va dans son village en hélicoptère. Il n'y a même pas moins de traces de goudron. Même arranger la route, il n'arrange pas. Il n'y a rien. Rien jusqu'à présent. Il fait tout et tout pour opprimer, pour écraser les autres. Il fait tout et tout, il monte tous les services, c'est-à-dire contre toi. C'est des pleurs. Vous pensez que les gens qui luttent aujourd'hui pour prendre le pouvoir, s'ils ont ce pouvoir, même creuser leur WC, vous n'aurez même pas, je dis même creuser leur WC là, creuser les fosses sceptiques, les fosses sceptiques, vous n'aurez même pas cette place. Quand on sait comment ils fonctionnent, je dis quand on sait comment ils fonctionnent, je pleure avant le temps. Et il n'y a rien qui est éternel. Essayez de réfléchir. J'ai vu là, les gens qui étaient avec Mobutu, on les montre aujourd'hui sur Facebook. Ils ont déjà vieilli, mais dans une misère extrême. Leurs enfants éparpillés de part et d'autre dans le monde. Mais qui sont au pouvoir aujourd'hui? C'est la famille des opposants au Congo, Kinshasa. C'est pas ça, Salomon, l'office de Tshisekedi. D'Étienne Tshisekedi qui est au pouvoir là. Oui. Étienne Tshisekedi était quoi? Un opposant à Mobutu. Un opposant très farouche même, il faut le dire. Très farouche, c'est son fils qui a pris le pouvoir, mais c'est pas le fils de Mobutu. Ce n'était pas un ancien ministre, ni le fils d'un ancien ministre de Mobutu. Tout à fait. Vous devez comprendre ça, vous les bêtises. Vous devez comprendre ça. Ça va vous échapper un jour et ça sera pire. Et on va mettre tout le monde dans le lot. Parce que de nos jours, dès que tu es bêtis, on dit ce sont les bêtis qui bouffent, ce sont les bêtis qui ont ceci. On vous combat. Un nom bêtis aujourd'hui signifie également ceux qui bouffent l'argent du Cameroun. Et si vous disparaissez du pouvoir, même celui qui n'a rien bouffé, même pas un rond, sera indexé comme les gens qui ont bouffé. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Et vous êtes là pour aller à Dubaï, aller acheter les briques, aller acheter ce type pour construire une maison. Ils vont briser, casser toutes vos maisons. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé. Je dis bien ce qui s'est passé. Le clan de Gbagbo est où? Ils ont toujours leur maison là-bas? Pas du tout. Ils ont toujours leur maison là-bas? Ils ont toujours leur bien? Le clan de Gbagbo, ils ont toujours leur bien? Faites attention, je vous parle avec la bouche d'un prophète. Je dis bien, et je le dis, je parle toujours comme ça, faites vraiment attention. Faites vraiment attention, ce n'est plus loin. Dieu va vous humilier, ce que vous faites là, Dieu va vous humilier. Vous les bêtises, Dieu va vous humilier, ça sera terrible, ça sera horrible. Parce qu'il a laissé un temps, 30 combien d'années 38 ans. Que vous faites les mêmes choses, que vous vous battez entre vous. Et le pays continue à croupir. Parce que vous ne permettez pas à l'homme qui est devant de travailler. Vous faites des faux rapports. Vous ne permettez pas au chef de l'État de travailler. Vous n'êtes pas autour de lui pour travailler. Vous ne permettez pas au chef de l'État de travailler. Que des bagarres. On entend ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est fatigué de ça. On est vraiment fatigué de ça. Donc, pendant les élections, on commence à parcourir les villages de vos frères qui croupissent dans la misère. Avec des boîtes de sardines, avec le pain. Qui croupissent dans la misère, j'en sais quelque chose. Je sais comment ça fonctionne. On va élire un maire, on met 1000 francs dans l'enveloppe, on distribue à tout le village, 1000 francs qui n'est même pas un euro. Arrêtons ça. Dans le verset 1er, le verset 4, Paul souligne l'unité des Israélites en tant que communauté, de même que le caractère identique de leur expérience sous l'égide de Moïse. Vous voyez. Et sous l'égide de Paul Biya, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce Paul Biya représente un Moïse pour vous. Regardez un peu ce que Dieu a fait. Nombre chapitre 12. Ce que Dieu a fait aux opposants de Moïse. Est-ce que tu peux lire le livre de Nombre chapitre 12? Nombre chapitre 12, il est écrit. Partie du premier verset. Marie et Aaron. Oui. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois à la tente d'assignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors, elle avait la lèpre. Et cette lèpre aujourd'hui, quand tu ouvres la bouche, Marie et Aaron étaient des frères directs, même cellule. Des frères directs de Moïse. Ils se sont soulevés en dénonçant une faute commise par Moïse. Moïse sortait avec une femme éthiopienne. Ce n'était pas sa femme. Il était marié. Ils ont dit, mais est-ce que c'est seulement par... Ils voulaient évincer Moïse. Ils voulaient que Dieu quitte Moïse. Est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Il nous parle aussi. Mais vous n'avez pas été appelé. C'est lui qui a été appelé. Vous n'avez pas été appelé. Vous avez été appelé par Paul Biya, s'il vous plaît. C'est lui que Dieu a appelé. Lui, Paul Biya, c'est pas vous. Et puis, lui, il vous appelle. C'est comme dans la spiritualité. Dieu m'a appelé. Et puis, moi, j'évangélise. Dieu appelle par mon évangile. Et c'est pourquoi on me considère comme un père spirituel. Et vous, de nos jours, Dieu, il y a la lèpre sur les bêtises. C'est une lèpre qui se manifeste comme ça. Il y a la lèpre dans les gènes. Et la lèpre se transmet de génération en génération. Même les jeunes aujourd'hui, bêtis, même dans les églises, se comportent pareil. Infidélité, déloyauté. Ils ne respectent personne, même pas leur pasteur. J'ai vu ça ici au ministère. On les manipule facilement. La rébellion envers autorité, envers parents biologiques, envers parents spirituels, c'est dans les gènes de bêtis, c'est dans les cellules, et ça se transmet. Les gènes transmettent ces informations dans les cellules de ceux qui doivent naître. Tous les enfants bêtis qui naissent dans les hôpitaux là, naissent avec ça. Ils naissent avec ça dans leurs gènes et ils vont aussi, comme ils font les enfants, comme des poulets. À 14 ans, la petite fille, à cause de la pauvreté, à cause de la prostitution, la petite fille est déjà enceinte. L'enfant qu'elle porte dans le ventre a les mêmes gènes, les mêmes informations sont entrées dans ses cellules. Et ça, c'est un problème de démon. La sorcellerie est dans les cellules des bêtises. Cette sorcellerie est dans les cellules. Et c'est pourquoi on parle de la déprogrammation. Et comme ils ont ça dans les cellules, ils ne peuvent même pas arriver au ministère pour déprogrammer ça et reprogrammer les cellules. Je vous ai dit que je suis un homme scientifique, je connais le fonctionnement de notre corps. J'ai appris, c'est pas la Bible qui m'a enseigné. J'ai appris et je suis encore en train d'être formé en France. J'ai appris et j'apprends toujours. Et je pense que tant qu'on vit sur terre, on doit toujours apprendre. Mais le petit arrête d'apprendre. Il connaît tout, il critique tout. Il maîtrise tout. Il ne soutient personne. Personne. Les mêmes que le chef d'État a fait du bien, donnant des postes, ils n'étaient rien. Ils sont devenus ses ennemis, cherchant à prendre sa place. Ah, bon, lui, il a le pouvoir des armes. Il a le pouvoir juridique. Peut-être jeter en prison, c'est pourquoi il le fait. Il jette en prison. Et c'est normal, il faut punir. Dit le livre de Romains. C'est lui qui fait le mal, il faut le punir. Mais la prison ne corrige personne, n'apporte jamais la bénédiction. La prison ne corrige personne. On te donne une correction physique parce que ta liberté, tu es privé de liberté. C'est tout. Mais ça ne peut jamais déprogrammer ta cellule. Ça ne peut jamais programmer ta cellule. Ça ne peut jamais te sauver, ni te libérer de quoi que ce soit spirituellement, ni physiquement. Nous devons faire tout et tout. Je dis faire tout et tout. Pour ceux qui ont encore l'oreille et l'œil, l'œil pour voir, l'oreille pour entendre. Ils gâtent tout. Ils ont des gènes. Ils abîment tout. Ils détruisent tout. Tout ce qui peut apporter un succès au milieu de bêtises. Regarde leurs associations. Ils appellent les Bamleke les tontinas. Mais dans leur tontine, là, ils font des choses. Ils réussissent à faire des choses. Pourquoi ils vous appellent des sardinards? Ah, vous mangez, et puis ça s'arrête là, tu vas chier demain, et tu continues la bagarre, la haine, la jalousie, parce que tu veux encore manger. Et ils font des tontines pour réaliser. Les magasins, tout ce qui est comme magasin à Yaoundé, c'est pour qui? C'est pour les bêtises? Pas vraiment. Mais magasin là, tu vas entendre des mails que tu fais déjà le con. D'autres Bamilékais me viendront acheter, mais tu ne verras pas les bêtises venir. Tu ne verras pas. Si un Bamilékais ne sait pas que c'est la boutique de son frère, ne viendra pas acheter. Hein? Ne viendra pas acheter. Mais va chez les bêtises. Déjà, ils ne maîtrisent même pas la langue. Leurs enfants ne parlent plus Wondo, ni Boulou, ni les autres ethnies. Ils ne parlent plus. Ils parlent français maintenant. Ils sont français. Dans un orgueil, les plus orgueilleux du pays, les plus indisciplinés du pays, les plus corrompus du pays, les bêtises. Après, quand tu dis ça, ils nous insultent. Mais c'est la vérité. On vous dit la vérité et puis vous vous fâchez. La vérité est là, tu connaîtras la vérité t'affranchira. T'affranchira de quoi si tu ne la connais pas? On vous dit des vérités, ce que vous faites, ce que vous êtes. Et puis vous vous fâchez, mais rectifiez ça. Vous n'allez plus passer le temps à se fâcher quand on vous dit la vérité. Ça fait combien d'années que moi je le dis? C'est pourquoi ils se sont organisés pour détruire. Qui peut me détruire? Vous ne pouvez pas, votre petite sorcellerie ne peut jamais me détruire. Comme vous ne pouvez pas détruire Paul Biya, c'est pas toi qui as donné le pouvoir à Paul Biya. C'est pas toi qui m'as donné le pouvoir spirituel. Jamais. Tu vas passer par où? C'est toi qui vas mourir. C'est pourquoi quand tu montes un programme contre lui, tu finis en prison ou tu meurs. C'est Dieu. Dieu dit à moi la vengeance. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu détruis ta vie. Tu perds ton emploi. Tu perds ta famille. Tout va se... Et c'est pourquoi le pays est en train de sombrer. Je vous ai dit ça. Que c'est le jugement de Dieu. Pendant que tu poses ces actes-là, ta famille va pourrir. Matériellement, physiquement. Une fois que tu parles mal contre quelqu'un que Dieu a béni, je suis le fils d'Abraham. Et les bêtises passent le temps à saboter. Mais si tu sabotes ta vie, celle de tes enfants, celle de c'est pourquoi vous allez sombrer encore. Sombrer. Parce que chez eux, chez les Bamilékais, ils respectent les parents. Ils respectent leurs autorités traditionnelles. Mais chez vous, zéro. Zéro. Mais vous êtes réellement conduit à la démolition, à la destruction spirituelle, physique, matérielle. C'est pourquoi on nomme quelqu'un aujourd'hui, il doit voler. D'autres entrent dans la magie, dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses. Ils deviennent encore des... C'est-à-dire, ils font la promotion de ça. Vous pensez, attendez ce que Dieu va vous faire. Attendez seulement. Ça a commencé, donc vous commencez à bagarrer. Ça a commencé déjà. Je le dis depuis longtemps. Ça a commencé déjà. Toutes les insultes, la Bible dit, toutes les insultes là, toutes les critiques, tout ce qui sort de vos bouches, les plus soulards du pays, pour le vin rouge, ils vendent tout le terrain parce qu'ils veulent boire le vin. Ils veulent coucher avec les femmes. Il vend des parcelles, il vend même sa maison. Parfois, même sa famille habite dedans. Il vend la maison. Tout Yaoundé là est vendu. Le nom Angola et Wondo, ça reste seulement un nom. Ça doit s'arrêter. Prenez conscience. Vos familles vont vivre comment? Vos enfants vont vivre comment? Vous envoyez vos filles aller se prostituer. D'autres sont en Europe partout. Mais vous pensez que ça va continuer comme ça? C'est pourquoi même l'Europe. Est-ce que la prostitution, la France est en train de vouloir encore confiner? La prostitution va encore marcher. Ils vont vous envoyer quoi? Ah, ma fille en Europe. Ah, mon fils a ceci, machin, truc. Mais c'est Dieu qui accélère la destruction. Il va continuer encore à accélérer. Pour manger, ça sera très, tellement difficile. Faisons très attention. Très, très. Quand Paul exhorte ses frères en disant, frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères. Mais, il ajoute, mais la plupart d'entre eux, là, je suis au verset 5, parce que tu as lu le verset 1 et le verset, jusqu'au verset 4. Mmh. Maintenant, tu peux lire toujours le chapitre 10, 1 Corinthiens, du verset 5 jusqu'au verset 10. Il est écrit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Amen. Par l'exterminateur. Ok. Vous savez, dans le désert, tous les Israélites ont eu part aux bénédictions, au baptême et aux provisions, reçu les provisions surnaturelles. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Quand Paul utilise l'expression « la plupart d'entre eux », en dessous de la vérité de toutes les Israélites, tous les Israélites qui quittèrent l'Égypte, seulement deux, Caleb et Josué, eurent le droit d'entrer dans la terre promise. Même Moïse et Aaron se sont disqualifiés parce qu'ils ont frappé le rocher de Meriba au lieu de simplement dire ce que Dieu avait ordonné. Vous voyez? À cause de leur désobéissance, tous les Israélites, excepté deux, moururent dans le désert, furent éparpillés, moururent dans le désert. 36 ans, je ne sais pas si c'est 38 ou 36. 38. De pouvoir. 38. Pardon? 38, docteur. Ok. 38 ans. Qu'est-ce que vous avez fait? Asseyons-nous, faisons le bilan. Je ne parle pas du pays, des histoires politiques, mais je parle de l'ennemi. Qu'est-ce que vous avez fait dans vos villages? Qu'est-ce que vous avez fait pour vos frères? Que tu sais que c'est lui-ci. Je ne suis pas étonné, mais je suis au dos. Mais c'est un étonné, c'est un frère petit comme moi. Je dois faire dans les régions. Disons la vérité. Qu'est-ce qu'on a fait? Asseyons-nous. Est-ce qu'on a préparé la relève? Tu prépares la relève que ton enfant, toi seul, tu l'envoies faire des études aux États-Unis, machin, truc. Est-ce que ton enfant seul est bêtis? Il peut faire quoi seul? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Expliquez-moi. Même Moïse et Aaron se sont disqualifiés parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Vous n'écoutez personne. Vous insultez tout le monde. Dieu, c'est pas dans la religion. Où vous vous cachez avec la sorcellerie, vous allez vous cacher dans les religions faisant tout ça. Mais si Dieu était dans les religions, vous n'allez pas du tout faire ce que vous êtes en train de faire. Parce que chaque bétier a une religion, une église, dans sa famille. Moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, ma famille, mais va voir ce qu'il fait, va voir ce qu'il dit, va voir la haine, va voir le mécontentement, va voir l'infidélité, va voir la déloyauté envers les supérieurs, va entendre toute la haine, toute la jalousie qui est dans son esprit. Mais je suis catholique, n'importe quoi. Je suis catholique. Dimanche, on va s'asseoir avec des vestes, on garde des voitures. Ça dit quoi à qui? Ça dit quoi à Dieu? Ils sont tous morts. Le nombre d'Israélites, retenez que le nombre d'Israélites disqualifiés étaient des croyants qui sont devenus indignes du service de Dieu, indignes de l'appel de Dieu. Dieu vous a donné le pouvoir. Quand monsieur va à la recherche des ânesses, Saül, il va à la recherche des ânesses et c'est le prophète Samuel qui dit à Saül, les ânesses ont été retrouvées depuis 3 jours. Et tout ce qu'il y a de meilleur en Israël, c'est pour qui? C'est pour toi et pour ta famille. Tout ce qui est de meilleur. Quand Dieu vous donne le pouvoir, il vous a donné tout ce qui est de meilleur. Est-ce qu'on a les meilleures routes que vous aviez amenées dans vos villages? Vous passez le temps à vous battre, à s'insulter, les crocs en jambes. Si quelqu'un a déjà autorité, si Dieu a nommé l'un de vos frères ministres, même si c'est votre petit frère, vous lui devez du respect. C'est parce que c'est déjà une autorité. Si Dieu est passé pour nommer l'un de vos frères, par exemple, délégué dans un service, tu ne vas pas le mépriser parce qu'il est bêtis. Tu commences à raconter des bêtises sur lui. C'est ce que moi, mon Dieu m'a enseigné. Le vôtre, où vous allez dans vos religions, vous enseignez quoi? Qu'est-ce qu'on vous enseigne dans vos églises? La rébellion? On vous enseigne quoi? L'insoumission? La jalousie? Une personne qui est nommée doit être respectée, qui occupe un poste politique ou bien autorité doit être respectée. Tu n'as pas droit, même si tu es milliardaire, parce que lui, il est salarié, tu lui dois du respect, parce que c'est une autorité. Toi, tu es milliardaire. Ça ne veut pas dire que quand tu es milliardaire, tu dois parler mal à tout le monde. Jamais. C'est une autorité. Même s'il gagne seulement 10 000 francs CFA, tu lui dois du respect, parce que c'est un appel. C'est comme tu méprisais un pasteur parce qu'il est pauvre matériellement. C'est des choses que vous devez enseigner à vos enfants. C'est pas parce que tu as l'argent, tu méprises tout le monde. Tout ça, c'est dans les gènes. Hein. Et le diable te pousse donc à faire ça pour que tu chutes demain. D'autres aussi qui doivent te supporter, qui doivent te donner des conseils, deviennent tes pires ennemis. Parce que tu as l'argent, il faut que tu sois détruit. Les jugements qu'ont subis les Israélites, désobéissant dans le désert, doivent servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ceux qui sont morts dans le désert n'avaient pas assujetti leur corps comme le fait Paul, mais avaient cédé à tous les désirs qui étaient dans leurs cellules, à toutes leurs convoitises, à toutes leurs envies, un corps assujetti est utile au Seigneur, et un corps assujetti au plaisir mondain, dont les cellules sont remplies de toutes marques de convoitise. Ces Israélites se sont disqualifiés par 4 péchés principaux. L'idolâtrie, voilà ce que représentent les cellules des bêtis, l'idolâtrie. La débauche, tenter Dieu, et les murmures. Notez ça, l'idolâtrie, la débauche, tenter Dieu et les murmures. Et les bêtises sont dans tout ça, ils sont là-dedans, en plein dans le mille. La débauche, c'est l'alcoolisme, parce que c'est les mêmes cellules de débauche, c'est les mêmes cellules d'alcool, c'est les mêmes cellules, vous voyez. Les idoles sont plus que familières chez les bêtises. Car toute la société fonctionne autour du service des idoles chez les bêtis. Aucune manifestation religieuse, sociale, politique ou commerciale n'a lieu sans qu'intervienne l'adoration ou la reconnaissance de l'existence des idoles, l'existence des ancêtres, des mains de nos ancêtres. C'est dans les cellules. On dit ce sont les coutumes de nos ancêtres, les coutumes de nos... Vous avez ça dans le sang, dans vos cellules. Nombre de soi-disant chrétiens, ils sont tellement confiants dans leur propre force morale et spirituelle, prennent à la légère leur participation à des activités ou des dieux païens. L'enterrement se fait toujours accompagné des coutumes, des traditions païennes chez les bêtis, même dans tout le reste des ethnies. Hein. Vous savez, les autres ethnies, pourquoi tout le Cameroun souffre à cause de ça? Parce que vous faites aussi les mêmes choses dans vos ethnies. C'est dans vos cellules. Parce que vous couchez avec les filles bêtises couchent avec vous. Et les bêtises couchent avec les bamlékés, les bassas, machin, truc, tout ça, tout ça. Il y a donc une transmission d'informations dans les cellules. Pas le canal des rapports sexuels. Parce que la Bible dit, lorsque tu entres en contact sexuel avec un homme ou une femme, tu deviens même corps, même chair. C'est la même cellule. Il y a les gènes de cette personne qui transmet par le canal l'ADN qui entre dans tes cellules. L'ADN est là pour transmettre l'information. Il faut une déprogrammation et une reprogrammation cellulaire. Vous comprenez maintenant? C'est ça le problème. Puisque vos cellules rejettent Dieu, c'est pourquoi vous fuyez, vous allez vous cacher dans les religions où il n'y a pas ce genre d'enseignement. Vous allez vous cacher avec la sorcellerie dans les cellules. Vous devez comprendre que lorsque les chrétiens adorent qui ou quoi que ce soit d'autre que Dieu, ils sont idolâtres. Vous adorez l'argent. C'est ça l'idolâtrie. Vous adorez l'alcool. C'est ça l'idolâtrie. Le bêtis adore l'argent, adore l'alcool, adore les femmes, adore les fétiches, adore les féticheurs. C'est ça l'idolâtrie. Vous voulez savoir ce que c'est que l'idolâtrie? Il faut adorer le vrai Dieu. Et aussi, quand il faut l'adorer, de la véritable façon. On l'adore de la vérité. Il y a une seule façon de l'adorer. En passant par la nouvelle naissance. Messieurs les bêtises, en passant par la nouvelle naissance. Ceux qui essaient de le faire, donc d'adorer Dieu par des pratiques immorales et païennes, le déshonore, et ça tire un jugement. C'est ce que Paul veut dire par là. C'est pourquoi je prends vraiment soin de vous avertir. C'est pas d'aller sombre. Vous attirez le jugement de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode chapitre 20, verset 3. Il n'y a qu'un seul Dieu, et lui seul peut être adoré. Et ça revient tour à tour dans toute la Bible. Mais il y a des idoles dans vos cœurs, vous les bêtis, les idoles qui viennent de vos traditions, de vos coutumes, qui viennent de ce que vous faites aujourd'hui. Vous voyez? Les idoles ne sont pas toutes matérielles. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient de bois, de pierre ou de métal. Vous voyez, toute conception non biblique de Dieu est fausse. Et si elle est crue et suivie, elle devient une idole. La religion même, c'est une idole. On ne met pas pied là-bas à l'église. Ce qu'on appelle être dans une église, c'est une idole. Je suis catholique. Mais tu constates que c'est lorsque ce dernier meurt que la famille va inscrire soi-disant messe. Voilà ce qu'on appelle l'idolâtrie. Chez les petits, c'est comme ça. Il n'y a que des vieilles femmes qui ont joué la vie fatiguée. Elle est déjà vieille. Elle devient Maria. Ou bien le jour de Noël. Ou bien le jour de Pâques. On va s'asseoir quelque part. Il pue l'alcool. Dès qu'il sort de l'église, c'est les bars, c'est les boîtes, à la maison, c'est plein de whisky, tout ça, c'est l'idolâtrie. Et c'est dans les cellules des bêtises. Les insultes, c'est dans les cellules. Les critiques, c'est dans les cellules. Le rejet de Dieu, ils rejettent Dieu. Ils aiment la nourriture, les bêtises. Ils aiment la nourriture, ils aiment les fêtes païennes, là. On danse, on boit, on couche avec les femmes. Il est impossible à des chrétiens de rester longtemps dans des églises qui pratiquent quelque forme d'idolâtrie que ce soit. Le vrai chrétien naît de nouveau. Il y a l'idolâtrie cérémonielle. Il y a l'idolâtrie théologique. Vous voyez? Parce que les gens passent devant vous avec des soutanes tout le temps. Si tu arrives quelque part, tu ne vois pas ça. Tu commences à dire, ça là, vraiment, c'est pas Dieu. Comment il veut peu pécher en costume? Donc, les apôtres portaient quel type d'habit? Vous prêchez. Vous avez des soutanes, n'importe quoi. Quand Jésus nous est arrivé, il avait les mêmes accoutrements que les pharisiens? Pas du tout. Pas du tout. Le deuxième péché grave auquel Paul s'attaque était quoi? Se divertir. Se divertir. Les bars. On danse, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Mais s'il y a une petite église qui joue seulement à la musique quelque part, on loue Dieu. Il faut voir la révolte. Il faut voir la révolte, comment les soi-disant chrétiens, les païens bêtissent, comment ces gars-là traitent les églises jusqu'à ceux qui se disent responsables politiques, responsables d'autorité. On fait tout et tout pour fermer les églises. Mais les bars fonctionnent. Les bêtises sont là-dedans, remplies. Le divertissement. Puis c'est l'hiver pour se divertir. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis c'est l'hiver pour se divertir. Après avoir bu. Voilà les bars. Et les bêtises ont ça. Même dans nos villages là-bas, chaque maison est un bar. Traditionnel. On vend le ha, on vend le whisky, on vend la bière, on vend le kitoko, on vend toutes les maisons en campagne là. Voilà ce qui vous arrive. Vous allez disparaître. Vous ne faites pas bien, je vous le dis. Vous allez disparaître. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Manger et boire. Souligne le festoiement qui a suivi le sacrifice. se divertir. C'est-à-dire un euphémisme pour les relations sexuelles. On couche avec les femmes dans les bars, derrière, les chambres de passe, partout. Pour Yaoundé, une idolâtrie criminelle. Toutes les filles Betty font la même chose. Je dis toutes les filles Betty, dans leur salon, on vend. Elles prennent leurs petites sœurs qui deviennent des prostituées pour attirer les clients. Toute la ville de Yaoundé, y compris tout le Cameroun, est là-dedans. Et ça provient essentiellement des bêtises. C'est comme ça qu'elle a pris réellement à chercher l'argent. Avec des bars, avec des boîtes de nuit, avec ce qu'on appelle des circuits. Chaque maison dans un quartier est un circuit où une fille bêtise habite. Et ceux qui viennent voir sont les bêtises. Il faut entendre comment ils insultent les pasteurs dans ces circuits. Leur brosse à dents, c'est des églises. Parce que dans les églises conventionnelles, traditionnelles, on ne touche pas. Ils aiment ça. Ils vont s'asseoir le dimanche, après avoir bu, et dès que celui-là met les pieds dehors, directement dans un circuit. C'est terrible. Terrible. Les Hébreux avaient instigé les orgies idolâtres et immorales au Sinaï. Et ils sont tous morts. Dieu les a enterrés vivants. Tu peux lire Exode, chapitre 32, verset 28. Il est écrit, Exode, chapitre 32, verset 28. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Amen. 3000 hommes. En un seul jour, Betty, à cause des orgies sexuelles, la boisson et le sexe, l'alcool, périr. Lorsque les chrétiens adorent qui ou quoi, que ce soit d'autre que Dieu, ils sont idolâtres. L'adoration de Marie, des saints, des images ou des anges. Voilà ce que là où sont attachés les Betty, avec la croix sur le cou, je n'aime pas ta leçon, parce qu'il passe temps à critiquer. Je critique quoi? Je te dis la vérité. Je te dis la vérité, tu parles de ça. Et tu appelles ça critiquer? Est-ce que j'ai le temps de m'asseoir pour critiquer quelqu'un? Je te dis la vérité, c'est biblique. Je te dis, je te traduis ce que toi tu ne connais pas. Et c'est ce que je suis en train de te dire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le premier commandement. Exode chapitre 20, verset 3. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et vous avez combien de dieux? Vous les bêtis. Les meilleurs, ce sont vos dieux. Et je ne comprends pas. Les autres font ça, ils ont les crânes, ils ont ceci. Mais ils sont un. Quand ils viennent vous combattre, ils sont un. Mais vous, c'est plus grave encore. Vous êtes divisés. Et tous ces démons sont au milieu de vous, ils vous divisent, ils vous détruisent. Vous voyez que eux, ils sont un, ils pratiquent leurs choses, ils sont un. Mais vous, vous n'êtes pas un. Voilà Salomon. Oui, alors docteur, je vous ai suivi, certainement également nos auditeurs, avec beaucoup d'attention. Un point sur lequel vous avez marqué et martelé, c'est ce rejet de Dieu, parce que vous dites... au travers de tout ce que vous avez cité comme éléments identifiés, j'imagine que la liste est loin d'être exhaustive, que ce n'est pas par la prière que ces différents actes peuvent être arrêtés. Alors, si donc les bêtises ont ce rejet de Dieu et que ce n'est pas par la prière, est-ce que, docteur, il faut comprendre que ce rejet de Dieu-là, en fait, est également une autre révélation, ou du moins est une autre manifestation de cette sorcellerie qui est dans les cellules des bêtises et bien sûr également des autres ethnies, car tous ont vocation à se comporter de la même manière. Alors, si ce n'est donc pas par la prière et que les uns et les autres rejettent Dieu, il n'y a donc pas, docteur, une possibilité de déprogrammation. Vers quoi et vers qui véritablement les bêtises, comme les autres ethnies, doivent donc se retourner? Le problème central est réellement à ce niveau-là. Il faut une déprogrammation des cellules. Ils sont dans les églises. Ils sont même dans les églises de réveil. Plein. Vous voyez, la plupart des bêtises cherchent les églises des autres. Ils combattent même les églises de leurs pasteurs bêtises. Oh, c'est le contraire. Même païens. Je vous ai donné l'exemple. Tout à fait. Je vous ai donné l'exemple. Les Bamlékés qui se sont assis pour dire à Dieu donné, Kamdem, Dieu nous dort, je ne parle pas, pour dire que nous va te donner de l'argent. Mais nous voulons que le nom de Chalessomba s'éteigne. Ça doit s'éteindre. Nous, on va te donner l'argent, c'est toi qui dois être. Ce n'étaient pas des chrétiens qui ont fait cette proposition. Ce n'étaient pas des chrétiens. C'était des païens, Bamlékés. C'était des païens bamlékés. C'est un problème de cellule. Et ils ont ça dans leur cellule. Nous devons élever ceux qui sont chez nous, dans notre ethnie. Et chez les bétis, dans leur cellule, nous devons humilier. Si quelqu'un commence à monter chez nous, on ne doit soutenir personne pour qu'il monte. On ne doit soutenir personne pour qu'il monte. C'est pourquoi Dieu ne paie rien. Regarde, c'est les soi-disant hommes de Dieu bêtis qui sont dans la vie. Ils font quoi de bon? Ils font quoi de bon? Quand vous élevez quelqu'un, vous-même vous montez. Quand vous humiliez quelqu'un, vous en êtes en train d'enterrer votre propre vie. Et ce qui arrive à plusieurs pasteurs bêtis, se disant pasteurs. Ce qui arrive également à la politique, aux hommes politiques bêtis. Ce qui arrive aux hommes d'affaires bêtis. Ce qui arrive à tous ceux qui peuvent lever la tête, même dans le christianisme. Parce que tu dois toujours récolter ce que tu as semé. Tu ne peux pas vouloir monter alors que tu déshonores, alors que tu descends ceux qui sont autour de toi, et tu es en train de les descendre, et puis toi, tu veux monter. Qui va te faire monter? C'est Dieu. Alors, comme il dit qu'on récolte toujours ce qu'on a semé, les bêtises sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. Toute la ville de Yaoundé, il y a quoi? Économiquement parlant, il y a quoi? Il n'y a rien. Les bêtises n'ont rien dans la ville. Rien, ils ont tout vendu jusqu'au cimetière. Parce que tu sais que les autres sont jusque dans nos villages. Ils sont dans les villages. Allez là-bas, vous allez rencontrer des titres fonciers sous le nom des Bamlékés. Vous allez rencontrer les titres fonciers. Vous aurez les titres fonciers qu'on vous montre comme ça dans les villages. Allez à Ngoumou. Allez partout là-bas. Je ne dis pas ce que j'ai entendu. J'ai dit ce que je sais. Tous ceux qui travaillent dans les postes administratifs là-bas, dans nos villages là-bas, qu'on a partout, la Mava circule dans le département ou bien la région du centre qui englobe toutes les régions de Béti, les villages Béti. Tu vas voir. Ils sont en train de tout acheter. Ça sera une misère le jour que vous allez quitter le pouvoir. Je vous le dis. Une misère. Et je vous avertis que rien n'est vraiment éternel. Et surtout quand Dieu est déjà contre vous. Ce qui prouve que Dieu est contre vous par rapport à ce que vous faites là. À celui qui vous a donné même une parcelle de pouvoir. C'est lui que Dieu a utilisé. Mais est-ce que vous l'aimez? Vous faites quoi? Vous vous préparez. D'autres cherchent depuis longtemps à prendre sa place. D'autres se préparent maintenant. Lutte d'influence, lutte de positionnement, ainsi de suite. Donc, le problème aussi, ici, c'est la déprogrammation. On a parlé de la terre. Vous voyez, la terre des Hébreux, depuis que Abraham avait parlé, Dieu a parlé à Abraham qu'ils iront sur une terre étrangère. Vous savez quoi? On me dit que tous les bêtis ont traversé sur le dos d'un serpent. Salomon. Oui, donc. Le serpent, c'est une bénédiction? Pas du tout. Ok. Ils ont traversé la Sanaga sur le dos d'un serpent. Quelle cellule vous avez? Qu'est-ce qui est dans vos cellules? Qu'est-ce qui est dans vos chromosomes? Qu'est-ce que vous transmettez? Vos gènes. La science m'enseigne que les gènes transmettent par l'ADN. L'ADN transmet les informations. Alors, si l'ADN transmet les informations, quel type d'informations? C'est le serpent. Ils ont traversé sur le dos. Et on raconte ça comme si c'était une bonne chose. Sur le dos d'un serpent. Alors, l'activité du serpent depuis le jardin d'Éden, la ruse. L'activité du serpent, la rébellion. L'activité du serpent, la jalousie. L'activité du serpent, le péché, le sexe, la pornographie. L'activité du serpent, la cupidité. L'activité du serpent, la rébellion, l'infidélité et autres. C'est ça l'activité du serpent. Est-ce que c'est pas ça qui se retrouve dans les gènes, dans l'ADN de chaque bêtis inscrit? Division, ça c'est l'activité du serpent. Le diable, ils ont traversé. On est même content de le dire, nos ancêtres. Écoute, on disait quoi? Quand pendant qu'ils traversaient, il y a une grande partie était déjà passée, et puis qui ne voulait pas que les autres, les mêmes frères qui ne voulaient pas que les autres traversent, il a fait quoi? Il a piqué une lance sur le dos du serpent qui les faisait traverser, et le serpent s'est noyé avec un grand nombre de personnes. Vous voyez, non? Ses frères sont en train de traverser, lui-même est dessus. Il pique la lance sur le dos du serpent. Il est en train de marcher sur le dos du serpent. Il pique, il enfonce la lance. Et puis quoi? C'est noyade générale avec lui-même. C'est ce que tes frères bêtis là sont en train de faire. Noyade générale, toute l'ennemi Betty, en général, est en train de se noyer. Ce sera la fin, une fin chaotique pour les Betty dans notre pays. J'ai dit une fin. J'espère que les autorités m'écoutent. J'espère. Faudrait rediffuser encore. Ils doivent écouter, appeler la présence, qu'ils écoutent ce message-là. Appelez tout le monde, qu'ils écoutent. Qu'est-ce qui est Betty qui peut marcher avec tout ça? Nous avons ça dans les cellules. Moi-même qui te parle. Je suis victime de ça, pourquoi? Parce que, réellement, parce que j'ai des cellules de Betty. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, tout le monde est concerné, pasteur, tout ça, il faut une déprogrammation. C'est pas la prière, mon fils. C'est pas la prière seule. La prière accompagne la déprogrammation, parce que ça commence en parole. Puis les actes qui seront posés. C'est pourquoi je finis d'abord. C'est pourquoi ma façon de prêcher descend à la profondeur, à la racine des problèmes maintenant. Je ne prêche plus l'évangile. Oh oui, venez, on va profiter. On chasse les démons. Parce qu'après avoir déprogrammé, on doit chasser les démons. Mais alors, si on n'a jamais déprogrammé, démons vont partir. Il ne partira pas. Parce que la fondation qui le maintient est là. Est là. Donc c'est très important ce que je suis en train d'expliquer aux oreilles des uns et des autres. Je veux que les bêtis soient unis. S'il y a un bêtis, un problème, tous les bêtis doivent être concernés, trouver la solution. Que de se réjouir pour la mort de quelqu'un. Que de se réjouir parce que tel est parti en prison. Que de chercher à envoyer d'autres en prison pour rien. Que de chercher à détruire. Ils se détruisent entre eux. Que de chercher à faire des choses, des bêtises. Pourquoi les autres sont comme ça? Aujourd'hui, dans les banques, entre dans les banques, quand tu trouves un Bamileke assis, il voit le nom de son frère, il demande le crédit, il donne. Mais quand il voit le nom d'un bêtis, il barre. C'est comme ça maintenant, ça fonctionne comme ça. Je suis en contact avec toute la population. Il barre. Et c'est eux qui gèrent tout ce qui est finance dans le pays. Et les bêtises sont là pour boire, pour coucher avec les femmes. Ils sont là pour se battre sur les réseaux sociaux, pour se détruire. C'est quoi le problème? Vous irez vivre où? Vos enfants n'ont aucun avenir, rien. Vous pensez que vous allez s'éterniser au pouvoir? Non, il suffit seulement un petit déclic comme ça, que Dieu change les choses. Mais c'est fini pour vous. Prenez l'exemple sur ce qui se passe ailleurs. Ce n'est plus le clan de Mobutu qui est encore au pouvoir, ni le clan de Kabila qui est encore au pouvoir. En Côte d'Ivoire, pareil. Ce n'est plus le clan de Barbeau. Ce n'est plus le clan de Gay Robert. Ce n'est plus le clan de Conan Bédier. Dieu peut bouleverser les choses comme ça. Il peut bouleverser les choses comme ça après le départ de Biya. Parce que le problème avec Biya est que le gars a les mains propres sur les problèmes de succession. Il a les mains très propres. Parce que c'est Dieu qui a utilisé l'autre qui partait pour le mettre là. Sibiya avait une tâche sur les problèmes de succession, une tâche dans ses cellules. Il ne serait plus là. Et personne ne peut réussir à le renverser là où il est là. Personne. Il partira au moment où Dieu va vraiment le vouloir. Ce n'est pas parce que tu as monté. Je le dis depuis des années aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne m'aimez pas, mais je vous dis la vérité. Moi, je suis un homme spirituel, mais je vous dis la vérité. Je lis d'abord la chose spirituellement. Je comprends où est la volonté de Dieu. S'il y avait moins de tâches, qu'il se retrouverait dans des problèmes de coups, qu'il voulait prendre le pouvoir et il a commencé à faire ça, faire ça, faire ça, il serait plus au pouvoir aujourd'hui. Regardez tous qui ont fait ça en Afrique de l'Ouest, partout, ils ont pris le pouvoir. Mais ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a pas duré. Regardez tous qui ont pris le pouvoir, que ce soit par les armes, que ce soit par la montant des coups, la rébellion, tout ce, tu soulèves le peuple, tu commences à dire au peuple, il faut le chasser, il faut le faire. Ils ont pris le pouvoir finalement, mais Dieu les a fait goûter. Je le dis tout le temps au sujet de Gbagbo. Qui était le premier opposant contre l'homme qu'on appelle le Fred Boigny? C'est Gbagbo. Qui a fait descendre les étudiants à la rue? C'est Gbagbo. Et Dieu dit, ok, monte-toi aussi, va voir ce qui se passe là-bas. Or, Biya n'a jamais fait des choses comme ça. Faisons attention. Faisons attention. Dieu en a marre de vos comportements. Il en a marre. C'est pourquoi l'ennemi est en train de sombrer. Il n'y a rien dans la ville. Rien dans la ville. Ils n'ont que les grosses voitures, l'argent qu'ils prennent à gauche, à droite. Les gros, ils vendent le terrain, ils achètent une grosse voiture, ils achètent ceci, ils construisent sa maison là, ils vivent là tout doucement. Vous savez comment vous allez sortir de ces maisons? Vous allez sortir de ces maisons, on va les vendre. Vous ne saurez, peut-être ceux qui resteront encore en vie ne seront même plus au Cameroun. D'autres vont occuper ces maisons, vivre là-dedans avec leur famille. Vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Vous savez, j'attire votre attention, vous bêtis. Vous allez vous rappeler de ce que je... Comme d'habitude, c'est comme ça que je parle. Après, quand ça arrive, trop tard, si on avait écouté le docteur Isson. Amen. Merci, docteur Tchalaï Soba, pour toutes ces analyses en rapport donc avec les preuves évidentes de la sorcellerie dans les cellules de la grande famille Betty. Mais comprenez très bien, l'homme de Dieu, c'est une vérité que l'on peut transposer et qui est d'ailleurs transposable dans les cellules des différentes autres ethnies. Tout le monde est donc concerné. D'où l'appel à la déprogrammation et à la programmation. Cela se fait au Temple des Nations du ministère Bayrakont International qui est situé ici à Yaoundé, au lieu dit Ngantopikana, derrière l'office du baccalauréat du Cameroun, au cours de nos deux cultes de 6h et 15h. Nos deux cultes, donc en matinée, à partir de 6h. Et à 15h, ce sera bien sûr sous la direction du Saint-Esprit au travers de son nom, Dr Tchalaï Soba, visionnaire du ministère Va et Raconte International. En semaine, nos programmes également de culte pour la déprogrammation et la programmation, c'est 6h et 15h de lundi à vendredi et samedi exclusivement à partir de 6h. Donc voilà le programme donc au Temple des Nations du ministère Va et Raconte International. Ne manquez pas également de visiter nos pages dans le cadre des réseaux sociaux avec bien sûr la page Facebook de l'homme de Dieu Dr Tchalaï Soba et notre chaîne YouTube Temple des Nations. Alors merci donc à toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour la réussite de ce programme. Merci à Monsieur Zéphirin Bonnier qui était à la mise en onde et à la réalisation de ce programme. Le tout supervisé bien sûr par Dr Tchalaï et Soba. Bonne suite de programme à l'écoute de Radio Fréquence Vie et que Dieu du Docteur Tchalaï Soba nous bénisse tous. Au revoir. C'est l'esprit qui intercède. Fréquence Vie, ma radio, ta radio, notre radio. Je reste connecté à la 91.1 FM.